vagues se succèdent et se ressemblent malheureusement de plus en plus. En pleine cinquième vague due au variant Delta, les autorités sanitaires craignent d'ores et déjà une sixième vague dès la mi-janvier liée au variant Omicron. Alors qu'un conseil de défense sanitaire débute en ce moment même pour aborder le sujet, l'information sur ce nouveau variant reste à géométrie variable sans que l'on sache bien s'il est vraiment plus contagieux, plus dangereux et dans quelle proportion. Ce sera notre débat du jour. Également au programme, l'éventualité d'un vaccin universel contre tous les coronavirus, la question de la grégarité des oiseaux marins et un détour par le futur. Omicron, vaccin universel, Guillemot de Bruny et le futur, c'est maintenant, c'est le programme pré-réveillon qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table de préfète pour une heure de libation scientifique mes convives du jour. Bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Rédactrice en chef du magazine Epsilon. Bonjour Cécile Breton. Bonjour Nicolas. Rédactrice en chef de la revue Espèce et un revenant, notre fantôme des Noëls à venir. Ravi de retrouver François Morel. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Ex-primum non nocere, nouveau compte Doc Secundum sur Twitter. Elle n'est pas qu'experte en actualité scientifique, elle sait aussi très bien découper la dinde. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette information. Le variant Omicron se propagerait 70 fois plus vite dans les bronches. Oui, l'information vient d'un communiqué de presse de la faculté de médecine de Hong Kong. C'est très préliminaire, hein, ce n'est même pas un préprint. Et les chercheurs ont voulu voir comment se multiplie le virus Omicron par rapport au variant Delta. Ils ont utilisé en culture cellulaire deux modèles de cellules cibles, soit des cellules d'origine bronchique, soit d'origine pulmonaire. Ils ont ajouté dessus du virus, soit Omicron, soit Delta, et au bout de 24 à 48 heures, ils ont regardé la quantité de virus qui était produit. Ils montrent qu'avec Omicron, dans les cultures de cellules bronchiques, il y a 70 fois plus de virus en titre infectieux, mais il y en a 10 fois moins dans les cellules pulmonaires. Selon les auteurs, cela expliquerait les mécanismes qui permettent à ce variant d'être plus transmissible que les autres, mais c'est encore trop prématuré pour le dire. Olivier Schwartz est directeur de l'université Virus et Immunité de l'Institut Pasteur. Donc ce sont des résultats vraiment préliminaires, parce qu'avec ce genre d'études, on ne sait pas exactement comment le virus qui a été ajouté aux cellules a été calibré. Et ça, c'est un paramètre qui est très important et on n'a pas l'information dessus. Est-ce qu'ils ont mis la même quantité de virus en termes d'ARN viral ou en termes de doses infectieuses? Bon, ce sont des paramètres un peu techniques, mais ça peut changer beaucoup les résultats. Donc, à mes yeux, c'est difficile d'interpréter à ce stade sans avoir vu le préprint en entier. Et communiquer uniquement sur une figure sans plus de détails, disons, c'est un peu léger à mes yeux. Mais ceci dit, si effectivement il y a des différences de multiplication dans ces systèmes, cela peut être potentiellement très intéressant. Il y a également dans ce communiqué une information fausse à mes yeux, puisqu'ils indiquent que le virus se multiplie 70 fois plus vite. Non, c'est pas ce qu'il indiquait. Il y a un titre infectieux qui est plus élevé d'un facteur 70 dans un des systèmes de culture et pas dans l'autre. Voilà, donc pour l'instant, moi je reste prudent, dubitatif devant ces données tout à fait préliminaires, mais potentiellement intéressantes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des données épidémiologiques qui montrent que son taux de doublement est très élevé, que ce soit chez des personnes vaccinées ou pas vaccinées, donc il se propage très efficacement. Vous avez vu qu'en Angleterre, son taux de doublement est de 1,9 jours estimé et qu'on estime qu'il y a plusieurs centaines de milliers de cas maintenant par jour. Donc c'est un virus qui va devenir prédominant dans de nombreux pays. Donc il est beaucoup plus transmissible et il est important de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la constellation des mutations qui sont présentes à la spike qui augmente sa transmissibilité? Est-ce qu'il échappe aux anticorps? Donc là, il y a déjà des éléments de réponse qui disent que c'est le cas. Les recherches avancent vite, et donc on a beaucoup d'informations, mais on ne comprend pas encore tout ce qui se passe. Voilà, et comment informer à propos de ce virus Omicron en présence d'un matériau scientifique souvent fait de préprint et en absence de relecteurs? C'est la question que nous poserons dans notre débat du jour dans quelques instants avec mes invités du vendredi. En bref, Natacha, maintenant, l'Agence européenne des médicaments a donné son autorisation provisoire hier pour l'utilisation du Paxlovid, c'est la pilule anti-Covid-19 de Pfizer. Oui, cela a fait suite à l'annonce du laboratoire mardi dernier. Dans un communiqué de presse, Pfizer annonçait que son antiviral était efficace contre les formes graves de Covid-19 et qu'il réduisait de près de 90% les risques d'hospitalisation et de mort chez les patients à risque dès lors que Paxlovid était pris dans les 5 jours après l'apparition des symptômes. Alors cet antiviral ne cible pas la protéine spike du virus, mais il freine sa capacité à se répliquer, ce qui freine la maladie. Paxlovid n'a pas encore reçu une autorisation complète de mise sur marché. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et la Haute Autorité de Santé doivent prochainement se prononcer sur ce nouveau traitement. Et comme tous ces vendredis consacrés à l'actualité des sciences et de la recherche, nous mettons en avant une publication sortie des laboratoires français, une étude aujourd'hui parue dans Philosophical Transactions of the Royal Society, une étude qui décrit l'apparition de conventions sociales chez des babouins. Alors une convention sociale, cela a été défini par le philosophe David Lewis. C'est un comportement qui va être systématique face à un problème de coordination. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, comment se dire bonjour? On peut le faire de mille façons, tendre la main droite, se faire la bise, etc. Un des rares exemples que l'on a dans la nature, c'est celui des singes capucins moines qui, pour se saluer, se mettent la main dans la bouche. À la station de primatologie de Rousset, du CNRS, des chercheurs ont mené des expériences avec des babouins. Deux singes, côte à côte, ont en face d'eux des écrans tactiles sur lesquels apparaissent des images. Deux carrés de différentes couleurs, un jaune, un bleu. Le but du jeu, c'est que le premier singe doit choisir l'un des deux carrés, celui qu'il veut, et que le second singe doit choisir le même carré pour obtenir une friandise. Comment les singes allaient-ils se mettre d'accord sans capacité de langage? Nicolas Clédière est chercheur CNRS au laboratoire de psychologie cognitive à Aix-Marseille Université. Il est le co-auteur de cette étude. Il y avait, disons, deux hypothèses. Une hypothèse qui consiste simplement à regarder ce que fait l'autre individu pour savoir s'il touche, disons, le carré jaune. Et puis, une autre hypothèse qui est basée sur l'idée d'émergence, justement, de comportements de type conventionnel, c'est-à-dire que les singes, au cours du temps, se mettent d'accord pour choisir toujours le même carré quand ils voient deux alternatives. Donc par exemple, s'ils voient bleu et jaune, ils sont tous les deux d'accord pour choisir le carré. Et ce qu'on a vu dans notre expérience, c'est justement ce deuxième type. Il y a très peu de singes qui observaient le comportement des autres singes. Ça, c'est en accord avec les résultats dans la littérature sur le fait que l'apprentissage par observation est quelque chose qui est assez difficile chez les primates non humains. Et par contre, ce qu'on a vu, c'est très rapidement l'émergence de systèmes conventionnels. C'est-à-dire que tous les singes du groupe étaient d'accord pour choisir les mêmes carrés quand les deux alternatives étaient présentées. Alors, c'est un système de convention sociale, c'est-à-dire que ça vient du comportement même des singes. De la même manière que se serrer la main ou les manières de se dire bonjour, etc. C'est la solution que les singes ont trouvée au problème de coordination qu'on leur a soumis. Alors, évidemment, dans notre expérience, c'est artificiel dans le sens où le problème de coordination, c'est nous qui leur soumettons le problème de coordination. C'est pas un problème de coordination qu'ils ont entre eux. Là, ce qu'on montre dans notre étude, c'est qu'en fait, ça peut être très, très, très simple. Les singes, a priori, quand ils mettent en place ces conventions, c'est simplement par des systèmes de renforcement. Quand ils font certains choix, ils ont des récompenses quand ils choisissent le même carré tous les deux, et donc ils ont plus tendance à rechoisir ces mêmes options dans les mêmes conditions. Donc des simples systèmes de renforcement peuvent conduire à l'émergence de conventions. Également dans l'actualité scientifique cette semaine, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, l'Organisation météorologique mondiale a confirmé le record de température en juin 2020 en Arctique. En Sibérie orientale, les températures sont bien montées jusqu'à 38 degrés. La même année, l'Antarctique a aussi connu un record de plus de 18 degrés. Les pôles se réchauffent deux fois plus vite que le reste du globe. Ce nouveau record arctique est un nouveau signal d'alarme sur le changement climatique. Cette semaine, grâce au satellite Gaïa de l'ESA, les astronomes ont découvert une sous-structure du disque dans notre galaxie. Des structures filamenteuses qui n'ont jamais été observées auparavant et qui restent mal comprises. Il s'agirait peut-être d'un fossile galactique, des restes de bras galactiques d'une galaxie externe incorporée par notre Voie lactée il y a quelques centaines de millions d'années. Et enfin, cette semaine, en Australie, des chercheurs ont découvert dans la faune souterraine, à 60 mètres sous terre, une nouvelle espèce de mille-pattes, baptisée le vrai mille-pattes, puisqu'il est le premier du genre à avoir 1306 pattes. La plupart d'entre eux n'en ont qu'une centaine. Au cours de leur vie, plus ils vieillissent, plus leurs pattes poussent. Les chercheurs espèrent découvrir des spécimens plus âgés avec un plus grand nombre de pattes. Et on termine comme chaque vendredi par notre rubrique de science improbable. Aujourd'hui, Natacha, un chercheur a appris à des rats à jouer à Doom 2. Oui, les rats peuvent apprendre à conduire des petites voitures. Ils savent aussi jouer aux jeux vidéo. Un neuro-ingénieur hongrois a entraîné 4 rats et leur a appris à jouer à Doom 2, le célèbre FPS, un jeu de tir à la première personne. Et sur les vidéos qu'il a publiées, on voit les rongeurs face à un écran attaché avec des harnais et placé sur une grosse boule. Alors cette boule, munie de capteurs, traduit le mouvement des rats. Et grâce à une pipette devant l'écran, les rats reçoivent en récompense de l'eau sucrée. Ils ont ainsi rapidement appris à se déplacer dans le labyrinthe, à ouvrir des portes, et même à viser et à tirer correctement sur les adversaires. Ce chercheur veut créer une chaîne Twitch pour financer ses recherches. Je comprends pourquoi j'ai toujours été très mauvais au FPS. Je perds même face à des rats. Merci beaucoup, Natacha, et à lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et l'actualité scientifique cette semaine, c'est encore l'épidémie de Covid qui inquiète à quelques jours des fêtes et des réunions de famille. Mais surtout, c'est ce fameux variant Omicron qui continue de faire planer la crainte d'une nouvelle vague d'ampleur à peine sortie de celle que nous connaissons en ce moment. La Grande-Bretagne est déjà en plein dedans, les liaisons vers le pays ont été restreintes. Mais que sait-on exactement de ce nouveau variant? Nous en parlions déjà à la même heure, ici même, il y a 15 jours. Mais depuis 15 jours, l'information sur le sujet ne paraît pas beaucoup plus claire. Le variant est-il officiellement plus contagieux que le Delta, plus virulent, plus létal? Échappe-t-il, oui ou non, partiellement ou totalement à la vaccination, à 2 doses ou à 3? Vous allez l'entendre sur toutes ces questions. L'information que vous avez pu recevoir à la télévision et à la radio n'est pas toujours à même d'apporter des éclaircissements. Hier soir, l'OMS qui l'a donné donc le nom d'Omicron l'a classé comme variant préoccupant. Préoccupant, ça veut dire qu'il peut influer sur les propriétés du virus, notamment la rapidité de propagation. Le taux de transmission est effectivement plus élevé. C'est ce qu'on constate au Royaume-Uni, par exemple, où on séquence beaucoup. Mi-janvier en Europe, l'Omicron devrait être dominant. Est-ce que les vaccins sont efficaces contre l'Omicron? Ils sont moins efficaces, c'est clair, et notamment sur la transmission. 2 doses de Pfizer limitaient la transmission du Delta de 80%. Elles ne limitent que de 33% quand c'est l'Omicron. Donc là, c'est net. Nous avons des vaccins qui se sont révélés efficaces contre tous les variants jusqu'à présent, en termes de maladies graves et d'hospitalisation, et il n'y a aucune raison de penser qu'il en sera autrement pour Omicron. Malheureusement, il y a une baisse de l'efficacité du vaccin qui a l'air importante. Autrement dit, les anticorps neutralisants suscités par le vaccin neutralisent beaucoup moins bien ce variant Omicron par rapport aux autres variants, d'après ces premiers résultats qui restent à confirmer. En tout cas, le laboratoire Pfizer-BioNTech est en train de développer un nouveau vaccin pour lutter contre ce variant. Mais en attendant, l'important, Céline Géraud, c'est bien d'avoir sa troisième dose. 3 doses, sinon rien, c'est en substance le message envoyé cet après-midi par les deux laboratoires Pfizer et BioNTech pour lutter contre ce variant Omicron, la troisième injection permettant de fournir une dose d'anticorps suffisante pour le neutraliser. Voilà un montage de plusieurs éléments d'information réalisés par Olivier Bétard. Alors, question, comment avance-t-on alors que cela fait maintenant plus d'un mois que l'on a identifié ce nouveau variant? Comment et pourquoi continuons à avancer de façon un peu dans le brouillard, avec des informations qui semblent parfois contradictoires, certains chiffres très précis mais qui semblent s'appuyer sur des études qui ne sont pas encore relues par les pairs. Mathilde Fontaise, comment est-ce qu'on fait pour informer au mieux alors que il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas? Le parti pris qu'on a, nous, à Epsilon, c'est d'une part de passer beaucoup de coups de fil. On fait des sélections de publis, on lit les publications scientifiques, on lit les previews aussi, bien sûr, mais on va on va pas prendre position pour notamment pour des publications qui n'ont pas été relues, on va pas prendre position sur ces publications sans avoir des avis de chercheurs qui vont nous être donnés, qu'on cite pas forcément, mais on vérifie. Et l'autre manière qu'on a de traiter ça, c'est aussi, alors ça on bénéficie de du fait qu'on soit un magazine mensuel et on est un peu moins dans le flux que d'autres médias. Et du coup on peut assez finement raconter la démarche aussi de recherche et comment est-ce que finalement on va enquêter scientifiquement sur un nouveau variant comme ça qui émerge, sans masquer la complexité, en racontant pas à pas. Et c'est comme ça aussi qu'on peut à la fois, je pense, expliquer assez clairement d'où viennent les conclusions, quelles sont les incertitudes au sujet de ces conclusions, etc. Et même, quelque part, un petit peu former le public à une méthode scientifique un peu qui avance comme ça pas à pas et parfois d'ailleurs avec des allers-retours on le sait bien et on l'a vu dans l'année précédente. François Morel, vous qui êtes praticien hospitalier, qui avez un regard donc ou en tout cas une écoute médicale sur ces questions, est-ce que vous avez tiqué vous aussi à la façon dont on a avancé dans l'information autour de ce nouveau variant? Est-ce que on a parfois le sentiment que les médias, et je nous inclus là-dedans, n'avons pas tiré les leçons des difficultés à informer sur le coronavirus au début de l'épidémie? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais juste corriger, je suis plus praticien hospitalier, mais bon, ça c'est pas très important. En fait, c'est un peu ce que disait le scientifique tout à l'heure, enfin le monsieur tout à l'heure, en disant voilà, il y a une information, ça peut être une information intéressante, mais moi je vais prendre le temps de regarder ce qui se passe, de voir, parce que le temps de la science, on le répète depuis le début de cette crise, on le répétait déjà avant, mais le temps de la science, c'est pas le temps de la communication. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que toutes les leçons n'ont pas forcément été tirées. Alors, il y a quand même un peu plus, on entend des gens dire « je sais pas » ou alors peut-être il faut prendre le temps, mais on aimerait toujours avoir des réponses parce que ça fait 2 ans, les gens commencent à en avoir un petit peu marre et puis on commence un petit peu à vivre avec, il y a un phénomène d'habituation et donc c'est difficile de tous les 6 mois remettre une pièce dans la machine en disant « ah mais regardez, il y a celui-là qui va arriver, bon ça vous l'avez déjà fait 3 fois, donc bon ». Et je pense que c'est quelque chose dont il va falloir qu'on se méfie, parce que ce phénomène d'habituation, d'exposition et d'exposition permanente crée un phénomène d'habitude qui va dire oui, c'était comme ça la dernière fois, on va pas faire attention. Et pourtant, il y a quand même des vraies choses qui se passent et le variant Omicron est un vrai sujet d'inquiétude à l'heure actuelle parce que on dit qu'il se transmet plus, mais il n'a pas l'air d'être forcément moins létal ou pas beaucoup moins donc que le variant Delta. Donc, ça va quand même faire des dégâts et on commence à revoir les chiffres monter tout doucement. Mais les gens, ça a l'air de pas trop prendre. Donc, c'est difficile de dire. Votre regard, Cécile Breton, sur la façon dont on avance pas à pas, alors peut-être en prenant plus de précautions, on l'a entendu, y compris dans le Journal des Sciences, nous sommes bien obligés de traiter aussi le tout venant, y compris quand on est en l'occurrence, ce sont des questions qu'on se pose, une prépublication sur laquelle, qui n'est même pas encore tout à fait une prépublication, mais un communiqué de presse d'un laboratoire, on se dit... Tout de même, c'est intéressant si on commence à avoir des preuves matérielles bien d'une plus grande diffusion du virus, notamment dans les cellules bronchiques. Donc du coup, on choisit de le donner, de donner cette information tout en essayant de la tempérer grâce à l'entretien que nous avons eu avec Olivier Schwartz. Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce qu'il faut pas y aller? Quel est votre regard, vous, là-dessus? Je pense qu'on peut pas ne pas y aller. C'est ça le problème. C'est qu'effectivement, comme vous le rappeliez, le temps de la science est très long. Alors, nous, en plus... Dans l'espèce, on a un temps de publication encore plus long, mais il n'est même pas suffisant. C'est-à-dire que si vraiment on voulait dire des vérités un peu établies avec un consensus scientifique sur un virus qui vient d'apparaître il y a 3 semaines, c'est impossible. Donc on est obligé de mettre des conditionnels, de parler de publications qui ne sont pas encore validées, qui ne font pas consensus, etc. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Je pense qu'effectivement, ce serait peut-être plutôt l'éducation des gens qui reçoivent ces informations, qu'on capte, enfin que les conditionnels aient vraiment un sens, c'est-à-dire que les gens comprennent que il y a un doute. Le problème, c'est que dans le cas d'une crise sanitaire, le doute, il est presque pas acceptable pour la plupart des gens, et donc il faut des réponses rapides. Même parfois même jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire que oui, on va demander un recul sur un nouveau variant qui a 3 semaines, un recul de 3 mois. Et même donc, je pense que la peur est pas bonne conseillère non plus. Donc les gens ont peur et c'est très difficile de trancher. Et moi, je pense qu'il faut en parler, bien sûr, mais Oui, le choix que vous avez fait dans le Journal des Sciences de parler de cette étude et de mettre en contrepoint l'interview du chercheur, je pense pas qu'on puisse faire l'économie de se faire l'écho de ce genre d'études, d'autant plus qu'on sait qu'elles sont relayées partout quand on a l'impression d'avoir un lectorat qui attend le point de vue de notre magazine ou de notre émission. On peut pas en faire l'économie, mais effectivement, c'est la manière de faire. Et j'y reviens, je trouve que le Covid, moi, est une chance pour la science, puisque on voit une démarche scientifique qui quand même se fait de manière complètement accélérée. Jamais on a pu raconter en tant que journaliste scientifique aussi bien la démarche scientifique dans le temps. C'est difficile pour nous de ramasser 30 ans de recherche et de rendre ça palpitant. Là, en l'occurrence, on peut le faire. C'est chaque mois, chaque jour, il y a des recherches. Chaque jour, il y a des débats sur la véracité ou pas. On parlait tout à l'heure de la virulence. Les évaluations de la virulence, elles sont à 30%, mais en fait elles sont incertaines parce qu'on ne sait pas encore, parce que les jeunes sont touchés au début, tous ces éléments-là qui permettent d'avancer progressivement dans l'enquête, on peut les mettre en valeur. Je pense pas qu'il faille fuir la complexité, ni fuir les sujets. Il faut les affronter avec leur complexité. Il y a une question également qui se pose ou qu'on nous pose et on a reçu des mails à ce sujet, c'est de dire comment est-il possible que ce variant que l'on a découvert il y a un mois, alors que la science va tellement vite en ce moment, qu'on ne soit pas aujourd'hui capable concrètement de dire il est transmissible à 30%. On entendait les chiffres entre 80 et 33% d'échappements vaccinaux. On a l'impression, les gens se demandent pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi on n'a pas des éléments concrets, revus, entrecoupés, qui permettent bien d'affirmer des choses de manière plus précise que de rester bien justement dans cette espèce d'entre-deux, de prépublication, de conditionnel à tous les étages et de prudence. Parce qu'on a un échantillon qui est suivi, un échantillon de personnes qui sont touchées et qui est suivi, par exemple. Enfin, ça peut être l'un des éléments, j'imagine qu'il y en a des dizaines d'autres. Et je reparle de la virulence. On a une étude qui dit que 30%, la virulence serait 30% plus faible que pour les autres variants. Sauf que cette étude, elle est faite sur un échantillon de personnes qui est l'échantillon de personnes du début de l'arrivée de ce variant en Afrique et qui, du coup, concerne plus les jeunes. Donc, du coup, cette virulence est sans doute minimisée puisqu'il s'agit d'une population jeune. Ensuite, on ne tient pas compte de l'immunité de ces personnes, notamment du vaccin, mais aussi de l'immunité parce qu'ils auraient eu le premier variant ou le deuxième ou le troisième du Covid. Et tous ces éléments-là rendent ces évaluations incertaines. Et c'est on a besoin d'accumuler, les scientifiques ont besoin d'accumuler l'échantillon, d'attendre que le virus se propage quelque part. On peut pas tout modéliser. Et les études in vitro, on le voit bien, le chercheur le disait dans votre journal des sciences, les études in vitro ont bien évidemment leurs limites et elles sont à prendre avec des pincettes. Oui, et on a vu lors des premières vagues que certains résultats in vitro ne se traduisaient pas du tout in vivo. Un mot peut-être, François Morel, puisque vous allez nous parler dans quelques instants de vaccination. Il y a quelque chose qui n'est aussi pas très bien compris ni perçu, c'est cette question de on dit aujourd'hui, faites-vous la dose de rappel. Pourquoi est-ce que 3 doses protégeraient mieux que 2, finalement? Si le virus fait de l'échappement immunitaire, si ça échappe au vaccin, pourquoi est-ce que rajouter du vaccin, ça permet de moins échapper? Alors, le fait de faire 3 doses, c'est un schéma vaccinal qu'on fait dans d'autres pathologies. C'est une immunité qu'on stimule pour qu'elle soit toujours là. Il faut comprendre que l'immunité, quand on la stimule avec des vaccins, on entraîne notre système immunitaire à avoir une mémoire et on stimule cette mémoire pour qu'elle dure dans le temps. Et les anticorps qui sont sélectionnés sont des anticorps qui ont une affinité pour certaines parties de la surface, ou en général c'est de la surface, de la surface des virus. Et il faut pas que, c'est un entraînement, quoi. C'est quelque chose, si on s'entraîne moins, on est moins réactif, on va moins vite. Et c'est, alors là, on parle de troisième dose, mais en fait, on pourrait parler de rappel ou de booster, comme on pourrait faire ça pour, je sais pas, moi, la rougeole, le méningite ou d'autres trucs. Mais il y a d'autres pathologies pour lesquelles on fait une dose, puis une dose 2 mois plus tard, et puis une autre dose 6 mois plus tard dans le calendrier vaccinal des enfants. C'est un moyen de restimuler l'immunité pour entretenir cette mémoire. Mais d'ailleurs, ça ne favorise pas l'efficacité contre les nouveaux variants. C'est juste que ça entretient la mémoire de l'organisme de ces anticorps par rapport au virus. Mais d'ailleurs, on l'a entendu, peut-être que en fait les anticorps seraient moins efficaces contre ce nouveau variant parce que ça vise des parties du virus. Si ces parties, elles ont trop changé, bah, les anticorps, la clé, elle rentre plus exactement dans la bonne serrure. Donc, ça peut passer avec des frottements et donc ça marche un peu moins bien. Et c'est pour ça que, bah, ils envisagent de faire des nouveaux vaccins parce que bah, le virus a trop changé pour être fonctionnel avec ces nouveaux. Mais d'ailleurs, c'est logique en fait. On a sélectionné entre guillemets un variant qui avait la possibilité de se développer alors que la vaccination existe, parce que la vaccination n'est pas encore complète dans toute la population. Donc c'est un mécanisme qui est plutôt logique, en fait, et qui pose un vrai défi. Hein, c'est un vrai défi. Ça veut dire aujourd'hui, pareil, peut-être pour conclure, Cécile Breton, on l'a dit, la Grande-Bretagne est en pleine déferlante de ce variant Omicron. On a essayé de couper les liaisons, mais on se doute bien que le variant Omicron circule déjà certainement plus que ce que l'on le dit aujourd'hui. Ça veut dire que il faut comprendre que cette sixième vague que l'on annonce pour la mi-janvier, on a à peine le temps de sortir de la cinquième. Ça veut dire qu'elle est inévitable. Est-ce qu'il faut la prévenir? Est-ce qu'il faut prévenir les gens? Enfin, comment est-ce qu'on se situe vis-à-vis de ça, à votre avis? En fait, on va se retrouver encore dans le cas où on va avoir beaucoup de personnes qui vont prendre ça comme encore une alerte, hein, comme on disait, avec une espèce de lassitude, etc. D'un autre côté, il faut quand même expliquer des choses extrêmement... des choses assez complexes, donc qu'on ait conscience que ces phénomènes, justement, comme vous le disiez, qu'ils soient vraiment décrits dans leur complexité. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment une défaillance d'enseignement dans les sciences qui fait que les gens perçoivent assez mal toute la complexité de ce travail, ce qui fait que justement on réclame à la science des solutions rapides et définitives, ce qu'elle ne peut pas donner. Évidemment, alors pour revenir sur les histoires de problèmes de communication, on parlait de la troisième dose. Effectivement, ça, à mon avis, ça c'est une erreur. Justement, on aurait dû parler de rappel, parce que tout le monde a accepté le rappel sur le tétanos, etc. Oui, bien sûr. Et ça, à mon avis, je ne sais pas d'où vient cette troisième dose, mais je pense que c'est pas d'ailleurs du point des journalistes. Hein, ça doit être sans doute de la recherche directement. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire pour que ce soit un peu plus accepté, mais voilà, je pense. Mathilde, à votre avis pour conclure? Oui, c'est amusant de se poser la question de comment est-ce qu'on mobilise par le vocabulaire, et on sait qu'il y a plein de recherches qui sont menées pour notamment travailler le discours par rapport au réchauffement climatique et essayer de le raconter d'une bonne manière pour que ça puisse avoir l'impact souhaité, etc. Et peut-être que ce travail devrait être fait aussi pour parler de pandémie ou de ce genre de choses. Et peut-être faut-il faire attention effectivement aux annonces de vagues, par exemple, alors qu'on est en train de vivre une période où la science est en train d'ingérer un tas de données et d'essayer de fournir des réponses. Et c'est vrai qu'on sent une grande, grande demande du public de se projeter, de savoir est-ce que je vais pouvoir fêter Noël, et puis derrière, est-ce que je vais pouvoir aller au ski, et puis derrière, bien sûr qu'on est tous très, très, enfin, tous concernés par ces pas. Mais sans doute faut-il réussir à rester silencieux, en fait, parfois. Ouais. Il est encore possible, on a entendu dire, et notamment certaines voix provenant d'Afrique australe, disant on en fait trop. Ce variant Omicron, on ne le connaît pas encore assez. Il est possible qu'il soit moins virulent, alors peut-être plus transmissible, mais moins virulent. Mais en même temps, s'il touche plus de personnes, statistiquement, ça va faire plus d'hospitalisations aussi. Est-ce qu'on a un peu crié au loup trop vite, à votre avis, François? C'est pas que c'est difficile à dire, mais c'est toujours le paradoxe de ce genre de situation. C'est-à-dire que si on en fait trop, les gens vont dire on en fait trop, vous voyez, c'était pas très important. Et si, mais en faisant ça, on a peut-être évité quelque chose de très important. Et si on fait rien en disant les gens en ont marre, on fait rien. Et si c'est juste normal, on va se retrouver avec une catastrophe et dire oh là là, ils ont rien anticipé. Et c'est un peu le paradoxe qu'on a avec ce genre de choses, mais c'est aussi un peu le paradoxe qu'on a avec les vaccins en général. C'est-à-dire que une maladie existe, on trouve un vaccin. La maladie disparaît parce que le vaccin est efficace, les gens oublient et disent oh là là, on nous embête avec ce vaccin, et puis d'un coup ça fait revenir le problème. On est dans un paradoxe de c'est tellement efficace et on arrive quand même à prévoir des trucs, ce qui fait que mine de rien, comme on les évite, les gens ne le voient pas, et donc comme on les voit pas, on se dit que ça servait à rien. Et je pense que ça revient à l'idée de, il y a un phénomène de méconnaissance, une vraie méconnaissance et un vrai problème d'éducation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et surtout, comme il y a un problème de confiance globale, si les gens faisaient, alors pas confiance aveugle, mais juste confiance parce qu'ils ont compris le principe, donc ils savent qu'ils peuvent faire confiance. Alors, il y a une confiance une défiance qui est logique parce qu'il y a eu des problèmes et il y a des problèmes. Il faut s'en méfier, il ne faut pas être aveugle aux problèmes qui existent, mais en faisant quand même un peu confiance, ça simplifierait un tout petit peu les choses. Et ce problème de confiance, je pense qu'il est vraiment au centre du problème. Et on va reparler dans un instant avec vous, François, de vaccination. Pourquoi n'a-t-on pas trouvé un vaccin qui serait universel contre tous les coronavirus, contre toutes les formes de grippe, bref, cette espèce de graal de la médecine. On parlera également des oiseaux marins. Pourquoi vivent-ils en colonie alors que l'évolution a plutôt tendance à dire que c'est pas forcément un avantage. Et puis, on se projettera dans le futur, à court, moyen et très très très très long terme. Si c'est pour eux, si c'est pour construire un drugstore dans la proche banlieue d'Alpha du Centaure, si c'est pour semer au firmament des cités dortoirs, des cités snack bar, de néon et de ciment, je ne suis vraiment, vraiment pas d'accord. Est-il bien important de faire tant d'efforts pour retrouver un jour, à des siècles-lumière, ce qui me donne envie de me tirer de la terre? De non, je vous demande, de non, je vous demande, de non, je vous demande, à quoi ça sert? Si c'est pour regarder en astronomie... Je vais me faire taper sur les doigts, j'ai tiré sur mon micro au moment où il était rouvert. Vous venez d'entendre Juliette Gréco à 16h30 dans la méthode scientifique sur France Culture, Alpha du Centaure, où nous nous rendrons tout à l'heure. Ce sera dans la troisième, dans la dernière partie de cette émission avec Mathilde Fontaise. Mais pour l'heure, nous allons rester au cabinet médical avec, je vous le disais, cette vieille lubie de la médecine contemporaine. Pourquoi ne pas créer un vaccin universel? Alors, pas un vaccin universel évidemment contre toutes les maladies, mais disons, allez au hasard, François Morel, un vaccin contre tous les coronavirus. Tiens, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Après 2 ans de pandémie mondiale, à l'heure donc de cette 5e vague, de l'arrivée du variant Omicron ou Omicron en fonction de comment vous le prononcez, et moi, je suis cron. Et de cette fameuse 3e dose vaccinale qui ne porte pas forcément bien son nom, beaucoup, dont moi, le premier, se posent des questions légitimes pour la suite. Alors, je parle de questions légitimes car beaucoup se posent des questions ou entretiennent des questions qui sont non légitimes par rapport à tout ça. Mais c'est une autre histoire, comme dirait une de mes collègues vulgarisatrices. Est-ce qu'on s'en sortira un jour? Et c'est quoi la suite? À quoi devons-nous nous attendre? Une 3e dose, d'accord, mais après, une 4e, une 5e? Ou alors, est-ce qu'on va décider de vivre avec ce virus? Ou allons-nous réussir tout simplement à nous en débarrasser? Alors, vous doutez bien que c'est pas ici et maintenant que je vais vous apporter la réponse. Et j'ai pas la prétention de l'avoir, cette réponse, et encore moins d'avoir les compétences pour la donner, cette réponse. Mais on va essayer au moins de parler des pistes autour de tout ça. Alors, évidemment, les regards se tournent vers la vaccination, qui est le traitement préventif par excellence des infections virales. Mais même si les vaccins sont actuellement efficaces contre le coronavirus, la question n'est même pas là, on parle déjà de nouvelles versions, de mise à jour face aux nouveaux variants émergents. Ce sont des situations de réponse au problème, non pas d'anticipation du problème, nous condamnant à ne faire que réagir au problème et non pas à l'anticiper. Et s'il était possible d'anticiper, de développer un vaccin capable de contrecarrer les variants existants, mais également tous les variants futurs? Pas en plusieurs injections, en une seule fois, développer un vaccin universel. C'est l'ambition, cette ambitieuse mission qu'ont proposé 3 chercheurs à la pointe de la recherche sur la vaccination et qu'ils ont défendu auprès de la National Institute of Allergy and Infectious Diseases, la NIAID. Je ne suis pas sûr de la prononcer correctement, mais on va dire NIAID. Mission que les examinateurs de la NIAID ont trouvée outstanding, comprenez, remarquable ou exceptionnelle, et lui ont donc logiquement attribué un degré de priorité faible. Considérant que l'intérêt pour un vaccin universel contre les coronavirus n'était pas très élevé. Comment ? Pourquoi, me direz-vous ? Comment cela est-ce possible ? On était en 2017. Et parce que cette proposition est faite en 2017. Voilà. À l'époque, les bêta-coronavirus, oui, les bêta-coronavirus, mais ça, je vais revenir un peu dessus. À l'époque, les bêta-coronavirus étaient connus pour être une cause de rhume commun et d'infection chez la chauve-souris. Bon, et également du SARS et du MERS. Mais qui pourrait croire que 2 ans plus tard, il soit à l'origine d'une pandémie mondiale causant plus de 5 millions de morts dans le monde ? Chiffre probablement sous-estimé. Depuis, vous doutez, les choses ont bien changé. Depuis novembre 2020, la NIAID propose des bourses d'urgence pour la recherche et le développement d'un vaccin universel. La CEPI, ou Coalition pour l'innovation et la préparation épidémique, dit qu'il faudrait injecter près de 200 millions de dollars dans les programmes pour accélérer la recherche sur un vaccin contre toutes les familles, toute la famille des bêta-coronavirus. Un vaccin universel idéal protégerait contre tous les coronavirus, alpha, bêta, gamma et delta. Alors il faut préciser peut-être François là que là on parle des familles de coronavirus, c'est pas des variants. Oui. Non parce que comme on a utilisé l'alphabet grec aussi, on parle des familles de coronavirus. J'allais y venir justement. Ah bah, je vous laisse poursuivre. Donc je reprends le déroulé. Alors attention, on parle bien donc de familles de virus et non pas de variants. La famille des coronavirus, la grande famille des coronavirus comporte 4 grandes sous-familles, alpha, bêta, gamma et delta. Et notre SARS-CoV-2 et tous ses variants appartiennent à la famille des bêta-coronavirus. Comme le MERS et le SARS, d'ailleurs. Les gamma et delta sont principalement rencontrés chez les oiseaux et les cochons. Ils ne sont pas connus pour infecter les humains. Et dans les alpha, on en a 2 qui peuvent causer des rhumes banaux chez l'être humain. C'est donc les bêta, c'est sur les bêta que se concentrent le plus de problèmes. Et d'où ont émergé quand même 3 virus dignes d'intérêt, dont un toujours problématique au niveau mondial actuellement. Donc avant de partir sur tous les coronavirus, peut-être pourrions-nous partir sur les bêta-coronavirus. Ça semble être un exploit déjà plus qu'intéressant. Car ça pourrait aider à terminer la pandémie actuelle et prévenir la suivante. Car la menace d'une pandémie à coronavirus n'est plus du tout à prendre à la légère. Comme le dit Matthew Memoli, un vétéran dans la recherche sur la grippe, le constat actuel est simple. Actuellement, si un nouveau virus complètement différent émerge, nous n'avons rien. Mais cela n'empêche pas les scientifiques de chercher, et de chercher activement. Le principe d'un vaccin universel n'est pas nouveau, et il n'est pas délirant non plus. Pour certaines pathologies comme la grippe ou le VIH, il est difficile à obtenir, pour de nombreuses raisons que le temps et mes compétences m'empêchent de développer ici. Mais il a été obtenu pour d'autres. La méningite, à méningocoque par exemple, nous n'avions pendant longtemps que des vaccins contre le méningocoque A et C. Impossible d'en faire un contre le méningocoque B, pour des raisons de similarité avec des protéines du cerveau. Ce qui représente quand même en France, le méningocoque B, 50% des méningites à méningocoque. Mais depuis 7 ans, il existe un nouveau vaccin universel contre le méningocoque B, qui est depuis peu disponible en France. Et on n'en parle pas suffisamment de ce vaccin. Donc, c'est faisable. Et d'après les spécialistes du domaine, comme Barney Graham, qui a travaillé sur le vaccin Moderna, comparé à la grippe ou au VIH, trouver un vaccin universel sera relativement facile à accomplir. Notez bien le relativement. Vous faites les petits lapins avec les doigts. Les petits lapins avec les doigts, exactement. Voilà de quoi redonner de l'espoir et de la confiance dans l'avenir, car il faut de l'espoir et de la confiance. Plus de 2 douzaines de groupes de recherche planchent actuellement activement sur le projet de vaccin universel avec de multiples approches. Nanocages couvertes de protéines virales, ARN messager, bien évidemment, véritable révolution technique de cette pandémie, et qui n'a pas dit son dernier mot, ou des techniques plus conventionnelles avec des cocktails de vaccins atténués. Certaines équipes ont même déjà publié des résultats encourageants chez l'animal, mais nous n'avons encore aucune étude actuellement chez l'humain. Mais une chose est sûre, c'est que le succès rapide de la vaccination face au coronavirus actuellement, pendant cette pandémie, rend optimiste sur la possibilité d'entraîner notre système immunitaire par le biais d'un vaccin. Mais les infections du passé sont également une source de confiance par rapport à cette possibilité. En effet, les survivants du SARS, qui est donc, je rappelle, un bêta-coronavirus, présentent des anticorps qui bloquent le SARS-CoV-2 des années plus tard, ce qui rassure sur la possibilité de bloquer de futurs coronavirus. Pour faire un bon vaccin, il faut cibler de bonnes zones d'intérêt sur le pathogène. Je m'explique. Le but est de trouver une partie du virus commune à tous les bêta-coronavirus, et a fortiori à tous les coronavirus en général, passé, présent et futur. Et si possible, une partie qui ne change pas, pour ne pas être affectée par les différents variants. Car si elle change trop, elle n'est plus ciblée par la mémoire de notre système immunitaire. Et pour cela, la protéine Spike est une excellente candidate. Pourquoi, me demanderez-vous, à juste titre? Parce que tous les coronavirus présentent cette protéine Spike. C'est même la définition quasiment des coronavirus. Et là encore, les approches possibles sont multiples, car les sites d'intérêt sur la protéine le sont tout autant. Cette protéine étant composée d'une tête et d'une tige, eh bien, il y a plusieurs choses à chercher, à tester. Et à quelle partie on s'intéresse? La tête, qui présente des zones très spécifiques, comme la zone RBD, qui est le récepteur qui permet au virus de rentrer dans la cellule, ou alors à la tige, avec le domaine S1 et S2, qui sont très stables, mais qui sont peu accessibles par les anticorps. On peut voir une combinaison de tout ça pour multiplier les approches. Et quelle réaction immunitaire? Uniquement avec des anticorps, ou avec des cellules capables de détruire les cellules infectées, ou un mix de tout ça? Bref, si on arrivait à générer, je sais pas moi, les deux types de réactions, ce serait formidable. On aurait une efficacité encore plus importante. Bref, il y a encore beaucoup de questions et beaucoup d'approches possibles. Mais une chose est sûre, c'est que la recherche, la connaissance avance. Et les scientifiques et la vaccination n'ont pas dit leur dernier mot dans cette histoire. Merci beaucoup François Morel pour ce petit point. On vous met évidemment tous les liens vers un certain nombre d'études que vous avez utilisées pour ce papier. Et puis vers l'émission que nous avions consacrée également à la question du vaccin universel. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Pourquoi les oiseaux marins vivent-ils en colonie? Promiscuité, maladie, lutte pour les ressources, en termes évolutifs, les colonies sont une espèce d'aberration. Eh bien, grâce à une étude des guillemots de Brunich au Svalbard, on commence, Cécile Breton, à avoir des éléments de réponse pour expliquer cette organisation grégaire. Oui, alors on peut pas généraliser à tous les oiseaux marins, hein, mais disons que l'exemple du guillemot de Brunich donc, est assez parlant. Alors, ce sont... je vais juste faire un petit rappel d'une manière générale sur tout ce qui est noir et blanc avec des plumes et qui vit en Arctique et en Antarctique. Donc, le guillemot, il fait partie des alcidés, qui sont il y a 23 espèces à peu près qui vivent en Arctique. Tous ces oiseaux volent, alors qu'en Antarctique, vous avez le pingouin, le manchot. Évidemment, j'étais sûre, me tromper. c'est pas grave. Il n'y a plus qu'une espèce de pingouin, la deuxième, ne volait pas, justement, elle l'a mal supporté. Enfin bref, les manchots et les gorfous, donc, en Antarctique, il y a assez peu de prédateurs terrestres. Donc, ils ont perdu leur capacité de vol. Alors, le guillemot de Brunich, il est connu pour se réunir justement au Svalbard, dans l'archipel du Svalbard, sur l'île du Spitsberg, sur une falaise qui est connue pour ses grandes colonies. Donc, il y a presque estimé 60 000 couples qui viennent donc à la belle saison pendant l'été boréal se reproduire à cet endroit-là. Alors, une colonie, hein, c'est véritablement... c'est défini par le fait qu'on vient se reproduire. C'est vrai qu'un groupement des tourneaux, c'est pas une colonie, c'est pas considéré comme une colonie. C'est pour les oiseaux, hein, parce que si on parle de colonie humaine sur Mars, c'est pas tout à fait les mêmes. Tout à fait. Quoique, enfin bon, bref. C'est pas interdit de se reproduire non plus. Évidemment. Donc, le guillemot, c'est une espèce donc dite phylopatrique, hein, c'est-à-dire qu'elle vient se reproduire à l'endroit où elle. Alors, le nom de la falaise qui est pas évident à prononcer. Je vais vous laisser le prononcer. Alkefjellet veut dire justement en norvégien la colline ou la montagne aux guillemots. Donc effectivement, c'est sans doute très longtemps qu'ils viennent se reproduire là. Alors, le guillemot, il construit pas de nid, hein, donc il est pas trop exigeant sur l'emplacement qu'il va occuper sur cette falaise. Il y a plein de petites plateforme qui peut occuper. Il n'y a pas non plus tellement de compétition avec les autres espèces parce que il y a quelques prédateurs, il y a des ours blancs et il y a des renards polaires aussi, mais il y a aussi certains goélands qui viennent les attaquer, mais qui sont plutôt en bas de la falaise. Ouais. Et donc cette grande colonie, le problème, c'est finalement c'est plutôt la place. Disponible. Donc, c'est le mâle qui arrive le premier en général pour choisir un emplacement. Mais plus ça va et plus les places deviennent chères et on commence à avoir des conflits. Donc, c'est un des premiers problèmes de la colonie, c'est justement le manque de place. Ce qui fait dire qu'effectivement, c'est peut-être. Ça semble pas être une excellente idée pour ces espèces de se réunir, en tout cas dans ces quantités, quoi. Et notamment, le deuxième problème, effectivement, ce sont les pathogènes et les maladies, donc les maladies. Parasites et les pathogènes. Voilà. Alors, effectivement, on pense que pour le guillemot, en tout cas, ce qui fait qu'ils se réunissent, c'est qu'ils exploitent des zones de pêche qui sont temporaires et qui sont souvent assez éloignées, parce qu'à partir de cette fameuse falaise, ils doivent faire quand même presque plusieurs dizaines de kilomètres pour aller pêcher. Alors, vous savez que les oiseaux terrestres, eux, sont territoriaux. Hein, ils ont un espèce d'espace, mais c'est pas possible pour les oiseaux marins. Et donc ça, c'est probablement le vraiment la raison principale. Ensuite, il y a plusieurs avantages qui découlent de cette première raison et qui expliquent sans doute le fait que l'évolution a conservé ce rituel de regroupement. D'abord, c'est un va-et-vient donc incessant de pour aller pêcher. Donc le mâle et la femelle alternent la couvaison et la pêche. Donc probablement, les autres couples peuvent repérer l'endroit où se trouve le poisson. Donc ça, c'est un premier avantage. C'est-à-dire qu'ils s'amènent mutuellement vers les endroits poissonneux et où les endroits de pêche, quoi. C'est ça. Et le deuxième avantage, c'est qu'on observe une sorte de synchronisation de la reproduction. C'est-à-dire que les femelles vont finir par, je simplifie, mais synchroniser plus ou moins la ponte, donc évidemment l'éclosion de l'œuf. En l'espace de quelques jours, c'est-à-dire que toute la colonie pond en très peu de temps. Voilà, c'est ça, c'est assez rapproché. Et surtout, donc les jeunes sont synchronisés à l'envol, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs dizaines ou centaines de jeunes qui vont s'envoler, enfin, écoutez, ils s'envolent pas vraiment, parce qu'ils ont plutôt tendance à tomber dans l'eau. Mais disons que, voilà, pour les prédateurs, il y a un effet de dilution qui permet que, c'est beaucoup plus avantageux que s'il y avait simplement un ou deux individus qui allaient à la baille à ce moment-là. Donc voilà, ce sont les principales explications de ces grandes réunions. Ce sont des avantages évolutifs qui sont compensés par les quelques inconvénients qui pourraient apparaître justement dans le cas des pandémies ou d'échanges de parasites. Oui, parce que c'est le cas de d'un certain nombre d'oiseaux marins, notamment au nord. Moi, j'ai eu la chance de voir des colonies de fulmars ou de macareux aux îles Féroé, et où on est sur des concentrations aussi d'oiseaux très très importantes. Est-ce que en lisant effectivement le papier de la revue Espèces sur le Guillemot, j'ai retrouvé effectivement des choses auxquelles j'ai pu assister et qui sont toujours très impressionnantes, parce que la nuée est vraiment immense et c'est vraiment des très importantes concentrations d'oiseaux. Beaucoup de bruit, beaucoup d'odeur. C'est assez vrai. Oui, j'ai observé effectivement les fous de bassin aussi qui se réunissent à Percé au Québec. C'est assez impressionnant. Mais ça dure pas très longtemps en fait finalement, parce que les petits sont élevés en à peu près, enfin surtout les téboréales durent pas longtemps, donc c'est 3 mois de cohabitation et ensuite ils vont passer la plupart de leur vie en mer, donc c'est un mauvais moment à passer. Alors ensuite oui effectivement quand le petit quand tu finis par aller à l'eau, la mère elle disparaît. Alors c'est assez drôle parce que comme elle a beaucoup investi son métabolisme a beaucoup investi pour pondre l'œuf, etc. Même si elle partage le nourrissage du poussin avec le mâle, au bout d'un moment, elle s'en va et elle va récupérer en mer et se nourrir elle toute seule. Et c'est le père qui s'en occupe, donc qui l'appelle le petit donc en bas de la falaise. Et une fois qu'il est tombé, il essaye de le récupérer. Alors comme ils sont très nombreux, effectivement, il y a pas mal de conflits. Faut retrouver le bon poussin. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est comme ils partent tous en même temps à l'eau. C'est ça. Faut savoir lequel est le mien. Bon. Alors le cri du petit permet au père de l'identifier, mais en général, on voit une espèce de confusion, c'est-à-dire qu'il y a certains pères qui soit attendent le leur en bas de la falaise, soit sur l'eau, soit ont perdu leur petit et qui ont encore. Qui ont encore une espèce de d'instinct paternel qui les pousse à aller vers les petits qui tombent à l'eau et qui vont d'abord essayer de les protéger puis ensuite les attaquer. Donc voilà, Le père et le jeune vont rester ensemble pendant très longtemps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ensuite, donc une fois qu'il a enfin réussi à récupérer son petit, ils partent tous les deux en mer. Le père va encore le nourrir pendant un mois, mais ensuite il prend son autonomie et il va rester par contre effectivement les premières années, 3-5 ans jusqu'à sa maturité sexuelle en mer, pour ensuite revenir à la colline. Voilà l'histoire des guillemots de Bruny au nord-ouest de l'Islande, au Svalbard. Et puis vous pourrez retrouver de magnifiques images de ces guillemots sur notre fil Twitter @laméthodefc. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Le futur, c'est maintenant. au cas où vous ne vous en soyez pas rendu compte. En tout cas, Epsilon vous facilite la tâche avec le premier numéro hors série de ce jeune magazine que l'on aime beaucoup à la méthode scientifique, le magazine en général et ce hors série en particulier, avec une belle couverture orange fluo et un astronaute qui nous dit que le futur a déjà commencé. Et Mathilde, pour un premier hors-série, vous avez décidé de flirter avec la SF. Mais oui, flirter avec la langue, carrément. Hein. C'est du gros flirt. Oui, on n'a pas résisté. Et ça s'est un peu imposé, en fait, par un tourbillon d'actu, toutes plus folles les unes que les autres, ces dernières années, hein, pas dans les trois mois. Mais on a l'impression de vivre une époque un peu singulière, avec des volocoptères qui obtiennent des autorisations de vol pour des voitures volantes, avec des IA qui parviennent à converser avec les gens, avec des métavers qui surgissent et qui nous transforment en personnages virtuels, avec tous nos sens, etc. Et on a eu envie de rassembler ça dans un gros dossier qu'on a appelé le dossier SF modestement. et c'est un peu de là qu'est partie notre envie de rassembler autour du futur, en fait, un tas d'histoires qui nous projettent un peu, quoi. Et on s'est bien amusé à le faire et on est ravis qu'il soit fluo. Et oui, non, c'est, on retrouve la grande qualité d'illustration et de maquette d'Epsilon. C'est vraiment très chouette, c'est très beau. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même voulu garder un pied dans la science et un pied dans l'après-science, en fait. Vous essayez quand même de jongler toujours entre les deux, c'est-à-dire de fonder ce que sera le futur de maintenant, c'est-à-dire de demain, dans ce qui est le futur d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'hier. Oui, on a voulu un... Et on a fait une infographie qui pose la question du futur dans les œuvres d'SF qui nous arrachait les cheveux. J'imagine. Dites-nous un mot de cette infographie, parce que c'est vachement intéressant. Vous avez essayé de classer un certain nombre d'œuvres de SF parmi les plus importantes sur une frise chronologique. Oui, voilà, on les a toutes prises et on a cherché dans ces œuvres quel était le futur pour cette œuvre, puisque souvent les œuvres de SF se projettent dans un futur. Alors des fois, il n'est pas daté, mais souvent il l'est, et ça nous a permis comme ça par exemple de nous apercevoir que saviez-vous quelle est l'année la plus citée dans les œuvres de SF comme étant le futur ? Eh bien, c'est 2035. Donc on n'est pas loin du futur, on n'y est pas encore. Seul sur Mars, Moon, l'armée des douze singes, iRobot. Voilà. Ce sont les œuvres qui se situe en 2035. Il y a plein de choses intéressantes, parce que donc vous voyez que le futur, des petits chiffres que j'ai saisis comme ça, le futur est plus loin pour les œuvres du 20e siècle que pour les œuvres du 21e siècle. Oui. Ça, je trouve ça génial. C'est super. C'est-à-dire que dans le 20e siècle, on a besoin de se projeter beaucoup plus loin, alors que pour les œuvres du 21e siècle, le futur est dans 84 ans en moyenne, alors que pour les œuvres du 20e siècle, il est dans 165 ans. Oui, on peut se dire que finalement, le temps s'accélère vraiment. En fait. Ouais. On peut se dire qu'on a tendance à imaginer, puisqu'en fait, le futur, c'est une projection, est faite en effet d'un monde qui a changé et dans lequel on peut imaginer des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et la moyenne de 141 ans m'amuse beaucoup aussi. Hein. C'est la distance qui nous sépare du futur en moyenne, c'est dans les œuvres de SF, 141 ans. C'est celles qui ne vont pas au-delà de 1000 ans. C'est-à-dire oui, que vous l'avez regroupé dans celles du futur, disons proche, entre guillemets, parce que les œuvres n'est pas intergalactique. Voilà, qui nous faussait nos données. Voilà, exactement. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'un futur sur trois est périmé. Oui. Expliquez-nous ça. Le futur est souvent périmé. Je trouve que l'idée est géniale. Puisqu'on l'a dépassé, en fait. Puisque ces œuvres ont été écrites et ont placé l'action dans un futur que depuis on a passé. Et donc, du coup, quand on les lit, on ne peut s'empêcher de se dire ça peut même rompre un peu le charme de certaines œuvres de SF. Alors il y a ce dossier sur le futur c'est maintenant, il y a plein de papiers, on va pas tous rentrer dans le détail, on va laisser les auditrices et les auditeurs aller voir par exemple moi là, un dossier que j'aime beaucoup c'est celui sur où les physiciens essayent de se demander si le futur existe. Très très important en physique de savoir. Effectivement, on a voulu attraper le concept dans tous les sens sans forcément ramasser un propos général. On n'avait pas envie de faire un hors-série encyclopédique. On avait envie de se faire plaisir en racontant des histoires à propos du futur. Donc on part effectivement en vrille, en physique fondamentale, avec des chercheurs qui se questionnent sur est-ce que le futur existe, sachant quand même il y en a quand même beaucoup qui disent que non. On a rencontré la Red Team, vous savez, vous l'avez reçu, je crois, à la méthode. Certains d'entre eux. On a reçu Xavier Mauméjean, Laurent Genefort et... et Fabienne Casoli, qui n'est pas exactement la Red Team, mais qui est dans la... Bah, bref. Et voilà, donc ces auteurs de SF qui ont participé avec l'armée, à rédiger des scénarios pour l'armée. On part dans une théorie neuro assez fascinante, hein, qui s'installe depuis plusieurs années et qui, en fait, met notre capacité à nous projeter dans le futur au cœur de notre raisonnement, en fait, et qui, comme ça, propose un modèle de pensée qui est basé sur notre capacité à réimplémenter tout le temps nos informations à partir de ce qu'on projette du futur. Et voilà, on a essayé de décliner comme ça, finalement, des papiers qui sont, qui aussi embrassent différentes thématiques scientifiques et qui peuvent donner, on espère, du plaisir à tous nos lecteurs. Et puis surtout du plaisir à se projeter à nouveau dans le futur, parce qu'il faut dire que le futur que l'on décrit, ou le futur dystopique qui est devenu notre présent, n'est pas toujours très désirable. Il y a un papier dont vous vouliez nous parler, Mathilde, qui est assez chouette, dont on a déjà évoqué cette histoire ici dans l'émission quelques fois, mais c'est un vrai bel exemple de ce que pourrait être le futur. C'est celui de Alpha du Centaure, hein, notre système le plus proche, et de se dire que bien peut-être que c'est certes à 4,37 années-lumière, mais c'est peut-être pas tout à fait inaccessible. Oui, pour moi c'est un emblème ce sujet, parce que c'est un peu comme les voitures volantes, c'est des choses qu'on rêve de faire depuis toujours et qui sont présentes dans tellement d'œuvres de SF. Cette idée de partir évidemment à la découverte d'un autre système planétaire, et la plus proche de nous c'est Alpha du Centaure, 4,2 années-lumière, donc clairement avec une fusée normale il faut 300 000 ans pour y aller. Donc ça a moins d'intérêt puisque, a priori, on ne va pas vivre assez longtemps pour pouvoir arriver au bout. Donc on va en fait faire un tout petit chemin. Il faut se rappeler que les sondes Voyager qui sont allées le plus loin dans le système solaire en étant allumées, elles ont mis 35 ans à atteindre juste le bord de notre système solaire. Donc il y avait ce côté un peu inaccessible et un peu frustrant, et tout à coup surgit un projet un peu fou, mais en fait pas si fou, qui est le projet Breakthrough Starshot, qui est financé en partie par Yuri Milner, le milliardaire russe, qui a mis 100 millions de dollars sur ce projet. Et qui avait l'imprimature de Stephen Hawking. Oui, qui avait l'imprimature de Stephen Hawking, qui rassemble des chercheurs. En fait, c'est des projets de financement qui sont un peu nouveaux, qui sont un peu nouveaux aux États-Unis et qui rassemblent comme ça. C'est comme une sorte de budget privé, en fait, qui après les chercheurs peuvent s'en saisir pour par exemple mettre un postdoc ou un thésard sur le sujet pendant quelques années. Pas en orbite. Pas tout de suite. Et ça les a amenés donc à façonner ce projet-là, qui est en fait pas si fou, et qu'il s'agit donc bien évidemment pas du coup d'envoyer une fusée comme celle qui emmène les astronautes dans l'ISS jusqu'à Alpha du Centaure, mais d'envoyer une toute petite puce, c'est-à-dire une puce suffisamment légère pour qu'elle puisse être propulsée par une voile solaire. Et c'est en fait finalement le seul moyen de s'éloigner assez vite, donc il faut atteindre des vitesses. Le projet, en fait, il est fait pour que ça se passe dans le temps de la vie d'un homme. Et ça, en ça aussi, c'est un projet assez humain. C'est qu'évidemment que si on va aller visiter un autre système, on a besoin que ça se passe dans la vie d'un homme. Donc il faut aller à 20% de la vitesse de la lumière, donc très vite. Donc du coup, il faut envoyer une toute petite sonde, 1 gramme, avec une très grande voile solaire, et en fait propulser des lasers pour pouvoir... Depuis la Terre, c'est-à-dire tirer avec des lasers et avec l'énergie des lasers pouvoir lancer cette sonde. Alors, il y a plein de défis à relever, techno, mais ils sont assez ramassés. J'en donne juste un très vite. C'est miniaturiser cette sonde. Comment est-ce qu'on fait une sonde spatiale de 1 gramme? En fait, c'est déjà pas mal avancé. Pour l'alimentation, c'est bon. Pour les processeurs, c'est bon. Pour les propulseurs, les capteurs, pour tout ça, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à faire, finalement, pour y arriver. À faire une petite sonde de 1 gramme. Ça reste à savoir comment on récupère les informations après. Et ça n'est pas la moindre des complications. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Mathilde Fontaise, je vous recommande chaleureusement ce hors-série numéro 1 d'Epsilon sur le futur. Le numéro 2, ce sera donc dans 3 mois. Oui. Et le thème, on peut le savoir déjà, ou c'est trop tôt? C'est trop tôt encore. Et vous viendrez nous en parler. Merci François Morel. On peut vous suivre sur le compte Twitter Doc Segundu. Merci Cécile Breton à la une du magazine Espèce. Le Guillemot avec un article de Christophe Gourou. Le Guillemot dont nous avons parlé. La méthode scientifique, c'est Céline Lozen, Natacha Triou, Némi Deguet, Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim et évidemment le camarade Antoine Beauchamp, que je salue ici. ici bien bas et que je remercie d'avoir pris brillamment le relais pour me remplacer pendant ces quelques semaines et que vous retrouverez bien sûr à partir de lundi au poste de reporter. Olivier Bétard est à la réalisation et Hugo Renard à la technique. Je serai donc moi ravi de vous retrouver donc dès lundi et de nouveau à plein temps pour une semaine de Noël de toute splendeur. On vous parlera des reines et des cervidés, eh bien oui c'est Noël, de l'aventure Ariane 6, des essaims de robots, de l'histoire de la douleur en médecine et notre cadeau de Noël comme chaque année dans la hotte de la méthode scientifique, l'auteur de ce que je considère être le meilleur roman de SF de l'année, un roman noir, violent qui renouvelle totalement les fictions de voyage dans le temps, l'auteur de Terminus, c'est chez Albin Michel Imaginaire et Tom Sweater-Leach sera donc notre invité SF de fin d'année. Comme toujours la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'appli Radio France, sur franceculture.fr à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.